Bien peu d'entre nous en avaient entendu parler avant 2003. Et à vrai dire, rares étaient ceux qui se préoccupaient de cette province soudanaise oubliée, isolée et encastrée au cœur de l'Afrique. Le Darfour, 6 millions d'habitants et un territoire grand comme la France. 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés plus tard, on s'intéresse enfin au Darfour. Et un fonctionnaire de l'ONU peut même déclarer que c'est aujourd'hui la plus grande urgence dans le monde. Alors, que s'est-il vraiment passé au Darfour? La tragédie qui s'y est déroulée, et qui malheureusement se poursuit encore, n'est-elle que le résultat de l'une de ces conflagrations ethniques qui ensanglantent régulièrement l'Afrique? Ou bien s'agit-il, comme le proclament certains, de la mise en œuvre d'un véritable génocide, un nouveau Rwanda, en somme? Et quelle est la véritable responsabilité des dirigeants soudanais? Et pourquoi est-ce que Khartoum refuse toujours que des troupes de l'ONU interviennent au Darfour et vient même d'expulser l'envoyé spécial de l'organisation internationale? Est-ce simplement parce que désormais flotte au Soudan une forte odeur de pétrole? Et ce conflit ne risque-t-il pas de déstabiliser deux de nos anciennes colonies, le Tchad et la République centrafricaine? Enfin, quel est le rôle que jouent là-bas ceux qu'on appelle les évangéliques, des sectateurs d'églises nord-américaines, très proches des néoconservateurs de George Bush? Autant de questions auxquelles M. X s'engage à répondre. Le Darfour est à la frontière de deux mondes. Au nord, le désert, et au sud, l'Afrique noire et quasiment l'orée de la forêt équatoriale. Et puis c'est aussi une incroyable mosaïque ethnique. Ouais, ça, c'est comme dans beaucoup d'autres pays africains. Oui, certainement. Mais enfin, disons en gros qu'il existe deux types de populations au Darfour. Des agriculteurs, donc des sédentaires, et puis des nomades. Des éleveurs. Oui. Et de tout temps, il y a eu une compétition entre eux, à cause de la ressource en eau. Et lorsque la sécheresse menace, comme on le constate depuis les années 70, eh bien, cette concurrence peut devenir violente. Ça, c'est une première donnée. La deuxième est de nature plus ethnique. De façon générale, les sédentaires sont des Africains. Des Noirs, vous voulez dire? Alors que les nomades sont des Arabes. C'est-à-dire? Bon, en fait, ils sont presque aussi noirs que les autres, même si on les différencie physiquement. Alors disons plutôt qu'ils se sont arabisés au contact des Soudanais de l'Est. Les Arabes de la vallée du Nil, comme ils se nomment fièrement. Mmh. Et la religion? Ben, ce sont tous des musulmans. Ouais, c'est un facteur d'unité, au moins, dans ce pays divisé. Apparemment, oui. J'ajoute que le Darfour a été longtemps un pays indépendant et qu'il n'a été annexé au Soudan qu'en 1916. Il est donc devenu une sorte de colonie. En effet, mais c'est une des causes de son malheur. Loin de la capitale soudanaise, Khartoum, le Darfour est une province qui a été longtemps oubliée et qui a été confinée dans le sous-développement. Songez qu'en 2000, il n'y avait toujours que 150 km de route goudronnée au Darfour. Autre conséquence de cet éloignement, ce grand territoire excentré a été trop longtemps le champ de bataille de conflits qui lui étaient étrangers. La guerre entre la Libye et le Tchad, par exemple, ou encore la lutte entre les nordistes et les sudistes soudanais. Un conflit qui, faut le dire, vient de se terminer. En principe, oui. Mais la situation demeure précaire. Alors, justement, pour commencer, puisque le destin du Darfour est lié à celui du Soudan, je vous propose d'abord de vous parler de ce pays. Du Soudan, donc. Je vous écoute. Hein. Sans remonter trop loin, bien sûr. Il faut d'abord dire que du XVIe siècle au XIXe, le Soudan a été un royaume indépendant. Une confédération assez lâche, dont l'économie était essentiellement basée sur l'esclavage. Et les esclaves capturés au cours de razzias étaient d'ailleurs souvent originaires du Darfour et du sud du pays. Des Noirs, donc. Oui, qui étaient ensuite vendus dans la péninsule arabique. Les maîtres du pays étaient par conséquent des trafiquants d'esclaves. Des négriers. Oui, et c'est en s'appuyant sur eux et en profitant de la décadence du royaume que l'Égypte s'est imposée au Soudan. L'Égypte qui a toujours eu des vues sur ce pays, et cela depuis des millénaires. Les anciens Égyptiens y ont conduit de nombreuses expéditions. Ils ont même poussé jusqu'au Darfour, qui était sans doute pour eux le fabuleux et mythique pays de Yam, d'où ils revenaient chargés d'encens, de bois d'ébène et d'animaux sauvages. Ouais. Mais pour revenir à l'époque contemporaine, l'Égypte va elle-même être colonisée. Elle a fait en effet longtemps partie de l'Empire ottoman. Mais à partir du début du XIXe siècle, elle est pratiquement indépendante. Toutefois, après le creusement du canal de Suez, ce sont les Britanniques qui s'imposent en Égypte et créent ensuite un condominium anglo-égyptien au Soudan. ce qui ne va pas sans créer des difficultés avec la France. Oui, de sérieuses tensions, oui, à propos de Fashoda et de la mission Marchand. Mais sur ordre de Paris, Marchand s'efface devant Kitchener et la France reconnaît l'hégémonie britannique sur le Nil blanc. Cependant, revenons un tout petit peu en arrière, si vous voulez bien. Dans les années 80, 1880, bien sûr, le Soudan est secoué par des événements qui vont avoir des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Quoi, là ? Un nationaliste soudanais, Mohamed Ahmed, se dresse contre l'envahisseur anglo-égyptien. Et c'est très important, il se fait appeler Al-Mahdi. Pourquoi est-ce important, ça ? Parce que dans la tradition islamique, le Mahdi est une sorte de saint qui, à la fin des temps, viendra anéantir le mal et faire triompher la vraie religion. Un messie, en ça. Oui, c'est porté par une véritable ferveur religieuse que Al-Mahdi chasse les Égyptiens, les armes à la main. Il conquiert Khartoum et tue au passage le général anglais Gordon, qui commandait la place au nom des Égyptiens. Mais Al-Mahdi, après 15 ans de règne, finira par être écrasé par ce Kitchener dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Cependant, le mahdisme, enfin appelons-le comme ça, ne disparaîtra pas pour autant. Et le fils et le petit-fils de l'ancien rebelle joueront un rôle politique important dans l'avenir du Soudan. En tout cas, est-ce qu'il en sera fini, là, des rapports tumultueux entre le Soudan et l'Égypte ? Ah bah pas du tout. Ne serait-ce que parce que nombre de Soudanais aspiraient à l'union avec l'Égypte. Il ne faut pas oublier non plus que le roi d'Égypte, le fameux Farouk, se proclame souverain du Soudan après la Seconde Guerre mondiale. Mais vous le savez, Farouk est chassé du trône par les militaires. Oui, dont un certain Gamal Abdel Nasser. Oui, à la suite de ce coup d'État perpétré en 1952, l'Égypte reconnaît le droit à l'autodétermination du Soudan. En 1956, le pays devient une république indépendante. Quoi qu'il en soit, l'aventure des colonels égyptiens a donné des idées aux militaires soudanais. Et en 1958, un général admirateur de Nasser, issu d'une tribu arabe du Nord... Donc très proche de la frontière égyptienne. C'est ça. Ouais. Donc ce général s'empare du pouvoir. Il le gardera jusqu'au milieu des années 60, où il sera lui-même chassé par une coalition civile qui a dû être aidée en sous-main par le camp occidental. Ah oui. Pourquoi, parce que ce général, à l'imitation de son grand homme, Nasser, s'était rapproché de l'URSS. Alors, avant de poursuivre, un mot peut-être sur cette république indépendante et sa composition ethnique et religieuse. Elle est aussi compliquée que celle du Darfour ? Ah bah pas moins, oui. Alors je simplifie. Hein. Mettons à part le Darfour, dont nous reparlerons longuement. Grosso modo, il existe au Soudan deux grandes régions. Le nord, essentiellement musulman, qui est la partie la plus développée, et le sud, où vivent des populations chrétiennes et animistes. Mélangé. Oui, à noter que c'est la puissance coloniale, la Grande-Bretagne en l'occurrence, qui a encouragé la venue de missionnaires qui ont évangélisé ces populations. La Grande-Bretagne qui a aussi veillé à conserver dans cette région le tribalisme et à lui garantir un statut particulier. Ah bon, et pour quelle raison là ? Une région morcelée en petites unités se gouverne bien mieux qu'un territoire uni. Ah ouais. Divisé pour mieux régner. Et les conflits demeurent locaux. Hein. Bien entendu, j'ajoute aussi que ce découpage religieux nord-sud n'est pas aussi rigoureux que je l'ai dit. Il existe aussi des enclaves chrétiennes au nord et musulmanes au sud. Mais enfin, allons très vite si vous voulez bien. Ouais, ça ne vous ressemble guère, ça. C'est un peu facile. Bon. Dès l'indépendance, le sud se rebelle. Pour quelle raison, hein ? Les officiers britanniques qui administraient la région sont remplacés par des militaires arabes. Donc musulmans. Et c'est inacceptable pour les fonctionnaires et militaires qui vont être de facto sous leurs ordres. C'est le début d'une première guerre meurtrière qui va durer 17 ans, coûter la vie à plus de 50 000 personnes et se terminera par la signature d'accords de paix à Addis Abeba, accords au terme desquels le Nord va consentir une certaine autonomie à la région Sud. Alors là, le différend était purement religieux. Essentiellement, oui, parce qu'il n'est pas encore question de pétrole. Alors, allons de l'avant. Le général putschiste, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, est donc renversé à Khartoum. Et pour la première fois de son existence, le Soudan va connaître un intermède démocratique et parlementaire. Ah oui, alors avec des partis politiques. En effet. Et c'est là où l'on retrouve les mahdistes, dont Sadek El-Mahdi, le petit-fils de l'ancien chef rebelle, qui dirige un parti créé par son père en 1945, l'Oumma. Attendez, l'Oumma en arabe... Ça veut dire la communauté des croyants. Exactement. Hein. Ouais. Et ça montre que le petit-fils n'a pas oublié la dimension prophétique du grand-père. À côté de l'Oumma, il y a aussi une émanation soudanaise des frères musulmans. À la tête de ce mouvement, on trouve un certain Hassan El-Tourabi, un jeune chef ambitieux qui ne manque pas d'allure. Et puis, il faut noter l'existence d'un parti laïque qui rassemble des marxistes et des éléments chrétiens issus du Sud. Et encore un parti communiste relativement influent. Alors, tous ces partis-là s'entendent ? Non, pas très longtemps. La coalition ne va pas tarder à voler en éclats. Toutefois, au terme des élections, ce sont les mahdistes qui l'emportent. Et Sadek al-Mahdi est naturellement appelé à former le gouvernement. Bah, ça va pas durer. Les querelles minent le pouvoir. Et en 1969, c'est encore un colonel, inspiré par Nasser, qui renverse le gouvernement. Celui-là s'appelle Jaafar al-Nimeri. Et il va rester au pouvoir de très longues années. Inspiré par Nasser, dites-vous. Hein. Mm-hmm. Donc, plutôt progressiste. Et même socialiste, mais... Nimeri, comme d'ailleurs ses amis nassiristes, ne va pas tarder à changer de camp. Toutefois, un nouveau venu allait désormais brouiller les cartes et se mêler des affaires soudanaises. À qui, alors ? Un certain Muammar al-Kadhafi, le nouveau leader de la Libye, un voisin très remuant. Le chercheur Gérard Prunier est l'un des spécialistes incontestés du Soudan et de sa région. Il a publié en 2005 un livre sur le Darfour. J'en extrais ces quelques lignes à propos de l'attitude du leader libyen et du début de son implication au Darfour. Kadhafi avait commencé par soutenir le régime de Nimeri au Soudan parce qu'il y voyait un régime nationaliste arabe révolutionnaire. Lors d'une rencontre avec le chef de l'État soudanais à la fin de 1971, il avait lui-même offert de fusionner leurs deux pays pour créer, entre guillemets, un noyau révolutionnaire arabe. Il avait très mal pris le refus de Nimeri et surtout le fait que, plutôt que de céder à ses appels, ce dernier avait préféré négocier en 1972 un accord de paix avec les sudistes chrétiens que Kadhafi considérait comme vendu à la CIA. Déçu dans ses plans pour une grande union arabe, obtenue par le dialogue, le leader libyen commença à envisager des moyens beaucoup plus musclés d'y parvenir. Et le Darfour jouait un rôle essentiel dans ses plans de subversion. En 1972, il créa la Fataka al-Ismailia, légion islamique, qui devait dans son esprit devenir l'instrument d'une unification révolutionnaire arabe du Sahel. Et pour prolonger cette action, il soutint au Darfour, le Tajammou al-Arabi, organisation arabe ouvertement raciste, qui prêchait l'arabisation de la province et la réduction des tribus noires à un statut d'inférieur. L'ouvrage de Prunier, Darfour, un génocide ambigu, a été publié par la Table Ronde. Alors, avez-vous dit, Nimeri va changer ? Oui. Tout comme son homologue égyptien, Anwar al-Sadat, le dictateur soudanais va virer à droite et se rapprocher progressivement du camp occidental. Assuré désormais donc de l'appui des États-Unis, Nimeri fait la paix avec les sudistes, tandis qu'il se déchaîne contre ses opposants qui l'emprisonnent dès qu'ils osent se manifester. Alors, et Kadhafi, là, dont vous disiez qu'il allait se mêler de ce qui ne le regardait pas, hein ? Ce qui lui est souvent arrivé par la suite. Mais c'est une parenthèse. Kadhafi est franchement mégalomaniaque, et la Libye ne lui suffit pas. Il a donc des visées sur le nord du Tchad. Oui, là, ça c'est la fameuse bande d'Aouzou. Hein. Et puis il se verrait bien annexer le Darfour. Il y a une frontière commune avec la Libye. Hein. Alors tout commence par le soutien qu'apporte le leader libyen aux opposants tchadiens regroupés au sein du Frelinat. Mais ça doit être le front de libération du Tchad. Oui. Il faut observer que le Tchad est alors dirigé par le très chrétien président Tombal Baye. Voilà. Un homme du Sud. Hein. Et le Tchad reproduit au fond la situation soudanaise. Au Sud se trouvent les chrétiens et au Nord les musulmans. Oui. Mais à l'inverse du Soudan, ce sont alors les sudistes qui sont au pouvoir. Hein. Tout à fait. Ensuite, Kadhafi va soutenir militairement et politiquement le Soudanais Sadek al-Mahdi, récemment libéré de prison par Nimeri. L'objectif étant le renversement de ce même Nimeri. Et dans cette opération, le leader libyen espère bien recevoir le Darfour comme récompense de ses bons et loyaux services. Le Darfour qui lui servira ensuite de base de lancement pour conquérir le Tchad. Ouais, mais il rêve là. Bien sûr, comme il rêvera à plusieurs reprises de marier son pays avec d'autres États arabes. Mais il essuiera partout des refus. En tout cas au Soudan, comme ailleurs, Kadhafi, si vous me pardonnez l'expression, sème la pagaille dès qu'il le peut. Mais reprenons le fil de mon récit. En 1983, Alors qu'une paix fragile règne entre les sudistes et les nordistes, Nimeiri se met en tête d'imposer la charia sur l'ensemble du territoire soudanais. C'est-à-dire, même chez les sudistes, là, qui sont chrétiens ou animistes. Mm-hmm. Ouais, mais pourquoi ça ressemble quand même à de la provocation. Nimeiri, qui est à la tête du pays depuis plus de 10 ans, sent bien que son pouvoir est en train de s'effriter. Et il entend ainsi rallier à lui les islamistes. Mais comment réagit-on au sud, alors? Bah, par une nouvelle rébellion armée. À cause de la religion, non? Bah, ça a dû jouer un rôle, c'est certain. Toutefois, à mon avis, ce n'est pas la vraie raison. Et si les sudistes se rebellent, c'est à cause du pétrole. Expliquez. Depuis les années 70 exactement, on sait qu'il y a des gisements pétroliers au sud du pays. Et dès 1975, la compagnie états-unienne Chevron creuse et trouve. Elle commence l'exploitation? Non, parce qu'il faut auparavant construire un oléoduc jusqu'à la mer Rouge. Il n'empêche que d'autres forages prometteurs sont effectués. Et toujours dans le sud? Oui. Il est évident que les sudistes veulent leur part du gâteau. Oui, ce que leur refusent, enfin j'imagine, les nordistes. Exactement. Ouais. Nimeiri s'est même débrouillé pour tripatouiller les découpages administratifs en créant une nouvelle région, là où se trouvent les champs pétrolifères. Et ça devient une région inféodée au nord, bien sûr. Et c'est pourquoi je pense que la reprise de la guerre doit beaucoup plus au pétrole qu'à la religion. La preuve, c'est que l'ouverture des hostilités par les sudistes a précédé de 3 ou 4 mois l'imposition de la charia. Autre preuve. En 1984, 4 techniciens de la compagnie Chevron seront assassinés par les rebelles de l'APLS, l'armée populaire de libération du Soudan, du colonel sudiste Garang. La question du pétrole est donc centrale. Ouais. Alors peut-être un mot sur ce colonel Garang, c'est ça? Mm-hmm. Assurément doué d'une forte personnalité, Garang, ancien officier de l'armée soudanaise, va peu à peu se muer en dictateur. Et comme beaucoup d'autres chefs de bande africains, il ira jusqu'à enrôler des enfants. Ah oui, des enfants soldats. Donc, et ces manières d'autocrate vont faire que la rébellion sudiste connaîtra plusieurs dissidences. Ouais. Et Garang est mort assez récemment, hein, l'an dernier, je crois. Oui, dans un accident d'hélicoptère, tout juste après avoir fait la paix avec le Nord. Et naturellement, ses partisans ont soupçonné le pouvoir de l'avoir fait assassiner en sabotant l'appareil qu'il transportait. Ce qui a provoqué de nouveaux et sanglants incidents. Et selon vous, alors, ces soupçons étaient justifiés? Bah, franchement, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on peut nourrir des doutes. Garang aurait certainement créé des difficultés au président soudanais, Al-Béchir. Quoi qu'il en soit, il faut surtout souligner qu'on assiste à un curieux retournement d'alliance dans les années 80. Garang, le chrétien, est soutenu par le camp de l'Est et les 2 pays de la région qui sont ses alliés. Il y a la Libye et l'Éthiopie, ouais. Oui, tandis que Nimeiri, devenu islamiste, reçoit l'appui des États-Unis. Ah oui, islamiste et... Mais ça va changer. Quand Washington prendra conscience du danger islamiste, mais n'allons pas trop vite. Attendez, pourquoi les États-Unis soutiennent-ils ce Nimeiri qui a pourtant instauré la charia chez lui? Hein. Oui, bon, enfin, écoutez, la question du pétrole ne doit pas être étrangère à ce soutien. Et puis, la guerre froide existe encore, puisque Garang et les sudistes sont aidés par les pays socialistes. Washington est pratiquement obligé de prendre parti pour Khartoum. Et puis, tant pis si c'est un islamiste qui est au pouvoir. Au fond, ce n'est pas très étonnant. Après tout, les Américains ont toujours été du dernier bien avec les Saoudiens, dont le régime était au moins aussi rétrograde. Ouais. C'est donc simplement du réalisme politique et économique. Quoi. Et pour le président Reagan, le Soudan demeure l'un de ses plus fidèles alliés. Un point, c'est tout. Le seul pays avec l'Égypte capable d'opposer une résistance aux manœuvres du colonel Kadhafi et les autres marxistes de la région. Puis, il faut aussi dire que le lobby religieux états-unien n'était pas aussi puissant qu'il est aujourd'hui. Hein. Certainement. Alors la suite. Nimeiri, malgré la charia, est de plus en plus critiqué. Au sud, les rebelles marquent des points et se sont pratiquement rendus maîtres des 3 provinces méridionales. Et surtout au Darfour, la famine menace. Le pouvoir soudanais, fortement endetté et corrompu, n'est pas capable de faire face. Et malgré une aide alimentaire massive des États-Unis, la situation du Darfour devient rapidement catastrophique. Déjà dans ces années 84-85, des dizaines de milliers de personnes vont mourir de faim. Alors, vous pensez qu'à terme, le régime Nimeiri est condamné, quoi. Décemment, Washington ne peut plus le soutenir. Et à nouveau, comme ça s'est produit en 1964, après quelques jours d'émeutes, ce sont les civils qui vont s'emparer du pouvoir, même si les militaires ne tardent pas à revenir au premier plan. En tout cas, Et c'est très symbolique, c'est Sadek al-Mahdi, le petit-fils du héros de la lutte contre les Britanniques, qui devient Premier ministre. Qu'est-ce que ça va changer ? Oh bah, pas grand-chose. Al-Mahdi ne revient pas sur la loi islamique instaurée par Nimeiri. Et par conséquent, il lui est impossible de s'entendre avec les rebelles du Sud. Au contraire, en parfait accord avec les militaires qui demeurent les vrais maîtres du pays, l'offensive contre la rébellion s'intensifie. Une guerre qui est toujours plus meurtrière. On estimera, en 2005, après la signature des accords de paix, que ce conflit aura fait près d'1,5 million de morts. Puis il y a les déplacés, au moins 4 millions. Et cette guerre civile aura duré 20 ans. Oui, et alors maintenant, parlons d'un homme étonnant qui va donner toute sa mesure dans ces années. Qui, là ? Hassan el-Tourabi, dont je vous ai déjà parlé. Tourabi qui a été le véritable deus ex machina de la politique soudanaise et qui, aujourd'hui encore, n'est pas étranger à la crise du Darfour. Avant de nous intéresser avec M. X à ce Hassan el-Tourabi, quelques mots sur cet autre personnage qui a joué un rôle éminent au Soudan, le colonel John Garang. Voici ce que je lis dans l'ouvrage « Monde rebelle » publié par les éditions Michalon. Chrétien d'ethnie Dinka, né vers 1940, John Garang a fait une partie de ses études secondaires aux États-Unis. Capitaine en 1970, il déserte une première fois pour rejoindre la guérilla Anya Nya. En 1972, il réintègre l'armée régulière soudanaise après la signature des accords d'Addis Abeba, donnant ainsi une certaine autonomie au sud. Durant cette période, il retourne poursuivre des études aux États-Unis, où il passe une thèse traitant des conséquences de la construction du canal de Jonglei. Lorsqu'en 1983, le maréchal président Nimeiri annule les dispositions de l'accord d'Addis Abeba et instaure la loi islamique pour tout le pays, John Garang, alors devenu colonel, déserte de nouveau en entraînant la garnison de Bor en Éthiopie. Il est l'un des membres fondateurs de la SPLA, APLS en français. Il va très vite en devenir le leader incontesté. De caractère très tranché, il va se défaire par assassinat ou emprisonnement de tous les responsables du mouvement qui vont critiquer sa politique et son autoritarisme. En tant que Dinka, il favorise ses semblables dans les rangs de son mouvement. Son intransigeance lui vaut de subir en 1991 le désaveu de plusieurs de ses lieutenants qui vont fonder la faction Nazir. Alors, parlez-moi du parcours de ce Tourabi là dont vous semblez faire si grand cas. Et je vous assure que le personnage le mérite. C'est d'abord un intellectuel. Après des études de droit à Khartoum, il part à l'étranger afin de poursuivre sa formation. Maîtrise de droit à Oxford, puis doctorat à la Sorbonne. Mais cet homme qui va épouser une sœur de Sadek al-Mahdi s'est déjà frotté à la politique. Et si j'ai bien entendu ce que vous avez dit, hein, il a adhéré au mouvement des frères musulmans. C'est cela. Et à son retour au pays, il en devient le secrétaire général et élimine peu à peu ses rivaux. Quoi, physiquement ? Non, non, politiquement. Ah, c'est bon. Un manœuvrier très habile. Et qui entend rester maître chez lui, c'est bien ça. Ah oui, et quitte à louvoyer lorsqu'il le faut. Tourabi est absolument dénué de scrupules. Au reste, c'est un personnage qui a un physique. Grand, rassé, le teint très foncé, il est toujours habillé de blanc. En 1969, lorsque Nimeiri s'empare du pouvoir, Tourabi est jeté en prison. C'est la première fois. Et ce ne sera pas la dernière. Toutefois, lorsque le dictateur lui propose la réconciliation, il accepte aussitôt et devient illico ministre de la Justice. Pour un homme qui sort de prison, c'est pas ordinaire. Hein, et il sera aussi le conseiller du président pour les affaires étrangères. En tout cas, ça lui vaut l'inimitié de nombre de ses partisans. De jeunes hommes, souvent brillants, dont il se débarrassera au fur et à mesure. Encore des purges. Tourabi ne supporte pas qu'on lui tienne tête et il estime avoir toujours raison. Ouais, pas facile, le bonhomme. Hein. Mais excessivement intelligent. Lorsque Nimeiri est renversé, Tourabi retourne quelques mois en prison. Et dès sa libération, il crée un nouveau parti, le Front National Islamique. Un parti à son entière dévotion. Naturellement. Il ne tarde pas à revenir au gouvernement, alors dirigé par Sadek al-Mahdi. D'abord ministre de la Justice, puis des Affaires étrangères. Ouais, il est insubmersible. Mais attendez, c'est pas fini. Ministre, il prépare en même temps le renversement du gouvernement et le retour effectif des militaires. Et de son propre aveu, il choisit l'un des plus médiocres pour monter sur la plus haute marche. Afin de mieux le contrôler. Bah, bien sûr. Et ce sera le général Omar Hassan el-Béchir. Qui est toujours au pouvoir, hein, il faut le signaler. Alors, Ouais. Tourabi s'est peut-être trompé dans son jugement, là. Ce serait possible. Quoi qu'il en soit, pour donner le change, ce fin politique se fait enfermer quelque temps. Retour volontaire en prison. Enfin, une prison très douce, d'où il sort à peu près quand il veut. Vous avez dit pour donner le change. Il ne veut pas donner l'impression qu'il a tout manipulé. Mais dès sa sortie de prison, il devient l'éminence grise du nouveau régime et il va le rester de longues années. C'est lui qui théorise la création d'une nouvelle internationale islamiste. Lui aussi, qui invitera Ben Laden à séjourner au Soudan. Ce qui amènera les États-Unis à ranger un jour le Soudan dans la liste des États voyous, c'est-à-dire ceux qui encouragent le terrorisme. Et après les deux attentats qui frappent des ambassades américaines en Afrique de l'Est, le président Clinton enverra ses forces aériennes bombarder une usine soudanaise censée élaborer des armes chimiques. Alors qu'il ne s'agissait que d'une banale fabrique de médicaments. C'est exact. Alors, si vous le voulez bien, finissons-en avec Tourabi. Après ce bombardement, et surtout après la vague de réprobation dont le Soudan est victime au sein de la communauté internationale, le président Béchir décide de changer de politique. Et oui, je pense que ça passe par la mise à l'écart de Tourabi. Ah bah forcément. Et il ne fait nul doute que Béchir et les gens qui l'entoure ne serait pas hostile à une élimination physique qui réglerait définitivement le problème. Mais Tourabi a pris ses précautions. Il a en effet la signature sur un certain nombre de comptes en banque très bien remplis. Ouais, quoi, c'est l'argent de la corruption, ça? Bien sûr. Et sans lui, cet argent ne sera jamais récupéré. En outre, l'homme est charismatique. Pour beaucoup de Soudanais, il est le guide avec un grand G. Et son assassinat pourrait provoquer pas mal de dégâts. Donc Béchir va se débrouiller pour le débarquer en douceur. En tout cas, Tourabi garde son pouvoir de nuisance et il n'hésite pas à prendre à contre-pied ses anciens amis, comme lorsqu'il déclare que les sudistes chrétiens, trop longtemps maltraités, ont eu raison de se révolter. Lui, l'islamiste. Et à cause de cet appui politique donné aux rebelles du Sud, il retournera en prison. Il est en effet accusé de conspiration. Mais comme il est plus gênant en prison qu'en liberté, on finit par l'élargir. Toutefois, il n'a pas fini de faire parler de lui. Tourabi, l'homme qui a été l'hôte de Ben Laden, a par exemple approuvé la lutte états-unienne entamée par George Bush au lendemain des attentats du 11 septembre. Et maintenant, c'est à partir du Darfour qu'il va se manifester. Alors, il a donc une responsabilité dans le déclenchement de la crise? Je le pense. Mais nous en parlerons peut-être dans notre prochain entretien, car j'ai déjà été bien long et je n'ai pas encore fini de vous parler du Soudan et de l'évolution de ses rapports avec deux pays. Lesquels? Les États-Unis, bien entendu, mais aussi la France. Et pourquoi la France a depuis Fashoda, nous n'avons plus d'intérêt là-bas? Détrompez-vous. Total y a obtenu une concession. Cependant, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais un peu de patience et intéressons-nous d'abord aux États-Unis. Les Américains ont d'abord accueilli plutôt favorablement le coup d'État du général Bachir. Pour quelle raison? Eh bien, un militaire, c'était toujours mieux que tous ces partis d'inspiration islamique qui tiraient le pays à hue et à diable. Ah ouais, comme une sorte de garantie de stabilité, quoi. Bah, en tout cas, c'est ce qu'ils ont certainement pensé, mais ils ne savaient pas que dans l'ombre de Béchir, il y avait Tourabi. Ah, ils ont donc vite déchanté. Et c'est alors que le Soudan a été classé pays voyou, car des camps d'entraînement pour terroristes ou moudjahidines s'y étaient installés. Mais il y a eu aussi autre chose. Sous la présidence de Clinton, on a vu apparaître une étrange coalition qui réclamait l'intervention des États-Unis afin d'en terminer avec la guerre civile au Soudan. Étrange coalition, ça veut dire quoi? Eh bien, on y trouvait d'abord les lobbies religieux conservateurs, des gens qui avaient des idées toutes simples, sinon simplistes. Au Soudan, les chrétiens noirs étaient les victimes des méchants arabes du Nord. Mais il y avait aussi dans cette coalition des Noirs états-uniens, ceux qu'on appelle maintenant les Afro-Américains, qui dénonçaient les pratiques esclavagistes des gens du Nord. Et puis s'y mêlaient aussi les défenseurs des droits de l'homme, autant de gens qui ont été bien embarrassés lorsqu'ils ont découvert qu'au Sud également, on pratiquait toujours l'esclavagisme. Et que réclamaient alors tous ces groupes de pression? Une intervention militaire? Non, ils n'allaient pas jusque-là. Certains en tout cas. Mais ils tenaient à ce que leur gouvernement oblige Khartoum à aboutir au plus vite à la signature d'un traité de paix. Et l'élection de George Bush leur est apparue comme une bénédiction. Oui, Bush, très engagé auprès des chrétiens conservateurs. Et sauvé de l'alcoolisme par Billy Graham en personne. Or, justement, le fils du célèbre prédicateur avait créé au Soudan une église évangélique qui rencontrait de plus en plus de succès. Comme dans d'autres pays africains d'ailleurs. Au Congo, hein, par exemple. Ouais. Et donc certains que ces évangéliques ont trouvé une oreille attentive à la Maison Blanche. Mais ça n'a pas plu à tout le monde. Le lobby pétrolier, lui aussi très influent dans les cercles du pouvoir, craignait que les pressions exercées sur le gouvernement du président Béchir ne finissent par nuire à leurs intérêts. Ouais, en fâchant les Soudanais. Eh oui, mais finalement ce sont les premiers qui ont gagné. Et Béchir, contraint et forcé, a dû se soumettre. Conclure la paix. Mais une paix mal ficelée qui peut se rompre à tout moment. Quoi qu'il en soit, Bush a donné satisfaction à son électorat religieux pour qui cette question était devenue une priorité et même une affaire intérieure. Ah oui, une affaire intérieure. Alors la France maintenant. Carlos, rappelez-vous. Ah oui, la capture de Carlos à Khartoum. Par un homme qui a beaucoup fait parler de lui cet an dernier, le fameux général Rondeau. L'homme de la DST. Qui est aussi un ancien de la DGSE. Tout d'abord, je dois dire que la France a une longue tradition d'alliance avec les islamistes au pouvoir au nord du Soudan. Pourquoi ? Disons une hostilité commune vis-à-vis de l'impérialisme anglo-saxon. Ça finit par créer des liens, d'autant que nous avons aussi vendu des armes au Soudan. Et ça a facilité les choses quand nos services ont localisé Carlos à Khartoum. Peut-être même ont-ils été directement alertés par leurs collègues soudanais, mais je me renseignerai car c'est un dossier que nous ouvrirons certainement un jour. Toutefois, un tel cadeau, enfin je veux dire la livraison de Carlos, méritait bien une petite récompense. Ah oui, donnant, vous voulez dire. Alors qu'avons-nous donné ? De précieuses photos. Des photos de quoi ? Des photos aériennes, des positions des rebelles sudistes. Ah oui, c'est assez grand parce que nous prenions ainsi parti dans un conflit qui ne nous regardait nullement. Oui, ça je suis d'accord avec vous. Et le gouvernement d'Edouard Balladur a-t-il été au courant de ces tractations ? Le Premier ministre en personne ? Je ne le pense pas. Mais Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, sans doute. Car il tenait tellement à apparaître comme l'homme qui avait enfin permis la capture de notre ennemi numéro un. Cependant, pour être tout à fait honnête, il arrive aussi que les services concluent de tels accords sans en informer le pouvoir. Mais je vous promets, nous y reviendrons en détail, car je suis sûr que cette affaire n'a pas encore livré tous ses secrets.